بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خليل كومنتي بار أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، توجور دون باب الحيض. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 35 بعد 100، وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيدتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم، وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. نصل عائشة رضي الله عنها كم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها سبرني للنبي صلى الله عليه وسلم du sang. Donc il lui a dit: يعني de s'abstenir les jours, l'équivalent des jours où elle avait ses menstrues. Ensuite, lave-toi. Et elle faisait un rousse pour chaque salat. Rapporté par Muslim. Et dans une version pour le Bukhari, et fait le wudu pour chaque salat. Et on a dit qu'en fait, fait le wudu pour chaque salat. Muslim ne l'a pas dit volontairement car la parole n'est pas celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Donc il dit Al-Ahkam al-Mustafalatu min al-Hadith. Donc là on est toujours dans la Mustahaza. La Métrouragie. Quand elle est Rousl al-Mustahaza. Le lavage de la femme atteinte de Métrouragie. Il citait une parole de Nawawi dans Sharh al-Muhadhab que la femme qui est atteinte de mustahada, d'istihada, elle doit faire l'oudo et qu'il n'est pas obligatoire de faire le ghusl pour le salawat. Ce n'est qu'une seule fois lorsque ses menstrues s'achèvent. C'est tout. On a déjà pris ça auparavant dans le mas'ala que le ghusl, istihada, n'appliquait pas le ghusl. Mais juste l'oudou. Et certains sahabas, eux, se font rapporter de certains sahabas, dont Ali, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, et Aïcha, et d'autres. Et également, le contraire fut rapporté de sahabas, toujours, les mêmes. Et parmi eux, il y en a qui disent qu'il est obligatoire qu'on fasse le roussi. Et parmi eux, Ali également, qui est recité, Aïcha, qui est recité, Ibn Abbas, ils disent qu'elle se fait un rousse chaque jour, une fois. Parce que regarde comment il dit en arabe, en parlant de le rousse, qui n'est obligatoire que une kita haydiha, wa bi hadha qala jumhur as-salaf wal khalaf, wa huwa marwi an Ali, wa Ibn Mas'ud, wa Ibn Abbas, wa Aïcha. وبه قال عروة ابن الزبير وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وأبو حنيفة ومالك وأحمد وروي عن عمر. طيب c'est là qu'il y a la coupure dans la phrase. طيب donc là ça s'arrête là. Ceux qui disent qu'elle a fait que non, que ceux-là ils ne voient qu'elle le fait qu'une fois que ses haïds sont finis. Ça c'est le début. D'accord. Après, il dit la phrase elle change. Wa ruwiya an Ibn Umar wa Ibn Zubayr wa Ata Ibn Abi Rabah annahum qalu yajib 'alayha al-ghusl li kulli salah. Donc là, il fut rapporté d'Ibn Umar, d'Ibn Zubayr et de Ata Ibn Abi Rabah qu'ils ont dit qu'il est obligatoire de faire le ghusl. Wa ruwiya hadha aidan, et ce fut également rapporté an Ali wa Ibn Abbas وروي عن عائشة أنها قالت تغتسل كل يوم غسلا واحدا. Donc Ali ibn Abbas et Aïcha, les deux paroles. Que c'est obligatoire, que ça ne l'est pas. D'accord ? Aïcha dit qu'elle doit faire au moins chaque jour le ghusl. Après, il dit, wa daliluna, notre preuve. Et là, le dalil, c'est-à-dire que c'est obligatoire qu'après le haïd, c'est que la base, là, il n'y a pas d'obligation, c'est que la législation aura imposé. Et là, il n'y a rien, il n'y a pas de dalil. Donc, il n'a pas été authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ait dit de se laver. Ce n'est qu'une seule fois, et quand c'est haïd se termine. Comme dans le hadith. Thumma ikhtasili, ay iza adbarat haydatuki ikhtasili. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, iza akbarat al-haydatu fad'i salata wa iza adbarat fahtasili. Si les haïds viennent, alors laisse la salat, et que si elles s'en vont, lave-toi. Naam. Et les hadiths qui sont venus où il y a l'ordre de faire le rousse pour chaque salat, il n'y a rien d'authentique. Comme le dit Bayhaqi, ils ont tous quelque chose à redire. Donc le shir est fini en disant que le kalam rajih, c'est qu'il y a un seul rousse à faire, c'est lorsque ces haïds s'achèvent. Donc la mustahava, elle fait l'eau d'eau quand. Quand est-ce qu'elle fait l'eau d'eau? Pour chaque salat. Comme celui qui est atteint de sa cellule bowl, la continence urinaire. Il doit faire l'eau d'eau avant, juste avant de faire la salat à chaque fois. D'accord? C'est le salat ou bien? Ça, ce qu'on avait pris déjà dans la waqid de l'eau d'eau. Car elle a des pertes continues de sang. D'accord ? Il y a des gens comme celui qui par exemple, qui a la continence urinaire, il a tout le temps des gouttes qui tombent. Donc lui, il est marzour, il est excusé. Donc lui, il fait l'eau d'eau juste avant la salat. Avant de faire la salat, il fait l'eau d'eau. Avant chaque salat, il est obligé de faire l'eau d'eau. Elle, c'est pareil. D'accord ? Parce que si elle fait l'eau d'eau bien avant, après il y a du sang qui coule, elle va perdre l'eau d'eau. Par contre, on avait pris ça. J'avais un chèque par rapport au haïd. Là, on parle de moustahada. On parle pas du haïd. Si, le réagir, c'est que ce qui sort. Ouais, c'est le kalam de Cheikh Ibn Hizam, on avait pris. Il n'apparaissait pas que c'était un enquête de l'eau d'eau. Mais ça en est un, parce que ça sort du vagin. Tout ce qui sort du vagin, ou qui sort du pénis, qui. Yannick Khoulouj, mais Sabilein, n'a aucun de l'eau d'eau. Lui, dans son calme, ça apparaissait pas quand il l'avait dit. Non, je sais pas si c'est un problème d'impression, parce que par la suite, ça a apparu qu'il le voyait, en fait. Et lorsqu'on avait pris la masse à l'époque, non. Même moi, ça avait posé problème. Je voyais pas cela. Quoi qu'il en soit, que lui le voit ou pas, ça rentre dedans, de toute façon. On dit qu'il voit pas que le sang annule l'eau d'eau de la mustahada, son coup n'aura pas été correct. Il n'aura pas été authentique. Quand même. Après, il dit, في الحديث السادس وثلاثين بعد المئة وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والسفرة بعد الطهر شيئا رواه البخاري وابو داود واللفظ له. Donc selon Umm Atiya, qu'elle a dit, après la purification, nous ne comptions pas après la coudra, la souffrance à l'avenir, c'est quoi ? Rien du tout. Et une fois que c'était purifié, elle ne comptait plus. Coudra et souffrance à l'avenir maintenant, qu'est-ce que c'est ? Pareil, je ne crois pas qu'il y ait de terme technique français pour ces mots-là. Car ces choses-là, les koufars, ils ne s'y intéressent pas. Ils ne cherchent pas à savoir quand la femme elle est purifiée ou pas, comme propos, il n'y a pas de purification. Haïd ou pas haïd, c'est pareil pour eux. À part comme ça vient des juifs, qui eux, ils ont de l'exagération, et les chrétiens qui ont du laxisme. Mais même aujourd'hui, les chrétiens, aujourd'hui, là on parle des chrétiens qui avaient un certain tamassouk, certains accrochent à leur religion. Mais aujourd'hui, ils sont accrochés à leur passion tellement qu'eux-mêmes ne connaissent même plus leur religion. Alors, peut-être très peu, très peu. Ils se disent, pratiquants, et tu vois. Aujourd'hui, le christianisme est devenu une coutume. C'est devenu une coutume. Tu vas voir le chrétien, il va respecter le bouddhiste. Tu dis, bah, t'es pas chrétien alors. Le christianisme ne t'appelle pas, il t'appelle à combattre tes idoles à la base. Et ça, les salams devenus, il ne vous a pas appelé à. Si vous dites monothéiste, vous ne pouvez pas accepter. Vous êtes obligé de combattre les bouddhistes. Il dit, non, on respecte chacun, chacun son prochain, comme ils disent. Tu dois aimer ton prochain. Ça, c'est leur phrase clé. Que Issa l'aurait dit, tu dois aimer ton prochain. Donc ton prochain, même s'il fait le plus grand crime, tu vas l'aimer. Il faut comprendre cette parole-là, qu'est-ce qu'elle veut dire, voilà. Ça, c'est dans la Bible. Non, que Issa l'aurait dit, alayhi salam, tu dois aimer ton prochain. Ou je sais plus si c'est dans les 10 commandements. Ça, je dis que c'est dans le Nouveau Testament, dans les soi-disant les paroles attribuées à Issa, alayhi salam. Plutôt. C'est tellement longtemps que j'ai oublié. De toute façon, franchement, ça. Voilà. Comme le fait, comme ils disent souvent, il y a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Quand une femme fait zina, elle venait pour la lapider. Tous venaient avec des pierres pour la lapider, pour appliquer la sentence, le had. Et c'est écrit même dans la sunna que dans la Torah, le zani, hadou et rajm. Celui qui fornique, tu le lapides. Même dans la Torah, c'est écrit. C'est-à-dire c'était le jugement. Et soi-disant, ils disent que Issa l'aurait dit quand ils sont tous venus avec la pierre pour lapider la femme qui aurait fait zina. Il a dit que celui qui n'a jamais commis de péché jette la première pierre. Alors je vous défie. Après, ils ont dit, bon, on a tous péché, donc ils ont acheté la pierre. Et ça pour dire quoi? En fait, personne ne peut rien dire à personne. Il n'y a plus de Amr bi ma'louf wa nahy an munkar. On ne peut plus ordonner le convenable et interdire le blâmable. Pour moi, on fait tous du blâmable. Donc je ne peux pas juger les gens. Et en plus, quand on dit juger, c'est pas tu aimes un jugement de toi, tu aimes le jugement que de ta religion a appliqué cette personne-là. Parce que les gens aiment bien dire, ça ne faut pas juger les gens. On dit, moi, je ne juge pas. Allah dans le Coran a dit que celui qui fait zina, on le lapide. Mais que le verset a été abrogé. L'orvan, en prononciation, mais le jugement, il est toujours. C'est pas moi qui mets ce jugement là, c'est pas mon jugement à moi. Moi, j'applique. Allah subhanahu wa ta'ala, je dis que le voleur lui coupe la main. C'est pas moi qui j'ai dû couper la main, c'est Allah dans le Coran qui l'a dit. Moi, j'applique. Allah a dit que celui qui dit que Issa, c'est le troisième des trois, il dit que c'est un mécréant. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Allah dans le Coran qui l'a dit. C'est pas moi qui juge. Moi, j'applique ce jugement et Allah m'a dit de prendre son jugement. Les gens disent, vous aimez trop juger les gens. C'est pas moi qui juge les gens, c'est notre Seigneur qui a dit ça sur vous. Et nous, comme on croit notre Seigneur ce qu'il dit, on suit. Mais le jugement, il vient pas de nous. Tu vois? Quand le monde dit que t'es un mécréant, c'est pas moi qui dis que je suis mécréant. C'est Allah qui a dit tes actes, c'est de la mécréance. Donc moi, comme je pense que Allah, il l'a dit, je dis que tu es un mécréant parce que mon Seigneur l'a dit avant moi. C'est pas moi qui te juge. Tu viens de trouver des choses. Moi, j'ai les gens. En disant. Donc moi, Allah m'a dit d'appliquer ses lois. Sinon, ça ne veut pas que ses lois. Je peux prendre des péchés moi aussi. Je suis obligé d'appliquer ses lois. Et parmi ses lois, le fait de tuer celui qui a tué, à part si la famille du tué, lui pardonne et qu'il paye le prix du sang. Sinon, s'ils ne veulent pas pardonner, on le tue. Qui c'est qui va le tuer? Il faut bien que des gens appliquent le jugement sur lui. On laisse comme ça dans la nature. C'est les arbres qui vont le tuer, c'est les oiseaux qui vont le tuer. C'est à nous de le faire. Allah nous a mis sur terre pour qu'on applique ses lois. C'est nous les rokala sur terre, c'est pas les animaux. Donc on les prend et on les exécute selon les préceptes islamiques. Le jugement, il vient de moi? Non, il vient de Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Encore quand c'est un kafir qui dit ça, mais quand c'est des musulmans qui disent ça, faut pas juger les gens. On dit, mais t'as pas honte de dire ça? Faut pas juger les gens. Toi, dans le Coran, elle a jugé des gens. Tu crois pas ce qu'il dit ici? Bah, appuie ce qu'il dit, c'est ce qu'on te demande de faire. Faut plus dire un voleur que c'est un voleur. Je juge pas un tel. Faut plus dire un criminel que c'est un criminel. Par contre, quand son patron, il le paye pas, là, ça y va, les insultes. Bah, pourquoi tu le juges? Tu traites d'escroc. T'as pas le droit de le juger. Ouais, bah, il m'a pardonné ma paye. Ah, d'accord, quand c'est ton tadounia là, là tu juges. Mais quand c'est dîne, faut pas juger les gens. Tu vois, ça c'est des passions. Demain, je vois un chrétien, je vais dire c'est un mécréant. Ils vont dire, faut pas dire ça. Pourquoi? Faut juger les gens. C'est pas ce qu'il y a dans son cœur. À la colline. Car là, dans le Coran, dans le sens, il a bien dit que celui qui dit que ça c'est le troisième du trois, il a mécru. Tu crois au Coran ou pas? Si tu crois pas au Coran, je vais mettre un jugement sur toi, en effet, un arbre aussi. Que Allah l'aura dit. Que tu crois pas en la parole d'Allah, tu vas être jugé toi aussi. Comme lui. Là, il ne pourra pas répondre. Le Coran, tu crois ou tu ne crois pas? Il va dire, je crois. Donc pourquoi tu me reproches de dire ce que le livre en lequel tu crois? Parce que si jamais tu dis que tu ne crois pas, ça y est, c'est fini. Le chrétien et toi, vous êtes pareil. On s'est donné dans la créance, pas toi bas. Donc attention à ce que tu vas dire. C'est un mécréant ou pas? Si tu dis non, tu vas mécroire, tu vas démentir le Coran. Dans le cas de l'islam, c'est quoi? Le fait de sahaha, fahamt, le madhab al-batil. Le fait de ne pas rendre mécréant le mécréant. Ça, c'est un enquête de l'islam, c'est ton islam. Donc attention, tu lui dis. Je dis attention, en nous refusant de juger un mécréant de mécréant, c'est pas comme si on parlait de quelqu'un et il y a des doutes sur lui. Là, on parle d'un chrétien. Un chrétien, il n'y a pas à douter que c'est un mécréant. Un juif, il n'y a pas à douter. Un bouddhiste, il n'y a pas à douter. Tous ces gens, il n'y a pas à douter. Donc, si jamais tu doutes, mène celui qui ne me croit pas ou qui même qui doute au chaque cas, et koufrihi, fa huwa kafir. Rien que le fait que tu doutes, tu sors de l'islam. Qu'un chrétien ne soit pas un mécréant. Donc, c'est pas un mécréant, c'est un croyant. Il va dire, je ne sais pas. S'il dit oui, tu dis, alors là, c'est où tu es un gros ignorant, tu ne connais pas l'arcane de la foi. Tu lui dis, est-ce que le chrétien croit en Mohammed? Il va te dire non. Parce que si tu dis oui, s'il croit en Mohammed, il va être musulman avec nous normalement. Si c'est un chrétien, il dit, je crois en Mohammed, il dit, bah, pourquoi tu es chrétien alors? Suis la suite. Donc tu dis au chrétien, est-ce que ce chrétien croit en Mohammed? Il va te dire non. Donc quelqu'un qui croit en Mohammed, c'est un croyant, c'est un mécréant pour toi. Il ne croit pas en Mohammed, il te le dit. Il ne croit pas, donc il mécroit. Qu'est-ce que tu dis de lui? Mécréant ou croyant? La question est simple, hein, il n'y a pas droite à gauche. Hein. En islam, c'est ça qui est bien. C'est croyant ou mécréant? Il n'y a pas d'intermédiaire. On n'est pas des mu'tazila. Donc il ne saura pas quoi répondre. S'il veut dire c'est pas un mécréant, tu dis, bah toi, t'en viens. S'il dit, non, c'est un mécréant, tu dis, donc tu l'as jugé. Donc tu as appliqué ce que Allah a voulu de toi. Donc il n'y a pas besoin de me blâmer. Là, on est pareil, toi et moi, alhamdoulilah. Tu as appliqué sur lui un jugement que Allah a appliqué sur lui. C'est tout. Tu ne fais que retransmettre. Nama avec quel balard, tu retransmets. Ah, mais le jugement, c'est Allah qui l'a décrété, c'est pas toi. On t'a pas dit de le tuer parce que c'est un chrétien. On t'a dit, dis, c'est un mécréant. Voilà, après le reste, laisse-le. Fais-lui darwa si tu peux lui faire darwa. Sans non plus tomber dans le laxisme et commencer à faire des concessions. Et sinon, laisse-le faire sa vie. Allah s'occupera de lui. C'est voilà. Tu dis ça là, on va pas le juger, on va pas le tuer. Non, là, on n'a pas à le faire là. Tu vois. Mais appliquer sur lui le catégorifier, ça, on a à le faire en islam. Non. Lui, c'est un mécréant. C'est un polythéiste, c'est un mouchrik. Non. Il faut le dire. Et si t'arrives pas à le dire, c'est un problème. T'arrives pas à dire à un mécréant que c'est un mouchrik. Ben, c'est un problème. Ils adorent Isa, Aïssalam. Ils adorent sa mère. Ils disent que Allah, c'est leur père. Nous, c'est Tawhid, unité, et eux, c'est Taslif, trinité. Est-ce qu'on est pareil ou on n'est pas pareil? Ils ont divisé en trois. Nous, c'est un. Kamakol, Yakoul, Bilal, Ahad, Ahad. C'est pas trois, quatre, cinq, c'est un. Eux disent trois. C'est un mécréant, c'est un croyant. Et les gens, ils ont tellement d'ignorance aujourd'hui, ils vivent au milieu de ces gens-là que voilà quoi. C'est ceux qui vivent là-bas qui parlent comme ça en général. Ou ceux qui les aiment, qui regardent trop la télévision, qui vivent leur mode de vie. Mais tu vois, un ami qui m'aime au bled, il va jamais. Il y a un chrétien, ça quoi? Il va dire, mais c'est un mécréant, tout de suite. Tout de suite. Nous, c'est même pas. On va dire, c'est même pas un moustari, même pas de barbe beaucoup, il va dire, mais un mécréant, tiens, c'est un mécréant. Un juif, c'est un mécréant, tout de suite, il va te dire. Les tendres, ils sont en France, ils font les doigts pour eux. Qu'Allah bénisse la France. Qu'Allah la maudisse. Enfin, bon, revenons au shahid, le hadith. Donc, il dit, Mas'ala, el kudratu. Ouais, je sais pas comment on est arrivé du créant à la. Au haïd. Je vois pas trop le lien, mais bon. Inch'Allah. El kudra ou el soufra. Donc, il dit, kudra, c'est un liquide. Ce n'est pas du sang et c'est un liquide qui penche vers le noir. C'est un liquide à la base rouge, d'accord? Parce qu'il est tiré du sang, mais c'est pas vraiment du sang de Haïd. Et il vire vers le noir. Kef, madmoum, del, sakin, wara, wa tamarbuta. Wa as-soufra, as-soufratu, sod, fera, tamarbuta. C'est un liquide pareil dont le dessus est jaunâtre. C'est un liquide rouge qui est un peu ensanglanté dont le dessus, la surface est jaunâtre. Donc les savants, les jumhur, la plupart des savants disent que si jamais ces liquides apparaissent les jours des menstrues, ils font partie des menstrues. Et que si par contre elle voit ces liquides une fois qu'elle était purifiée, qu'elle n'est plus dans ses menstrues, ce ne sont pas des menstrues. C'est ça que le hadith veut dire. Que une fois qu'on est purifié, qu'on a ce liquide-là, pour nous, ce n'était pas des menstrues. Ce n'est pas des hadiths. Assistant le khilaf toujours, mais bon. Le kalam, comme la masala, les wadiha, tu vois, pas besoin de là. Donc la ville, le vrai, c'est que si jamais les kudra et soufra, ils apparaissent après que la femme ses haïds sont terminés, dans les jours où on n'est plus haïd, c'est pas du haïd. Par contre, si ça apparaît dans les jours de haïd, c'est considéré comme le temps du haïd. Naam. Et c'est pas toutes les femmes qui l'ont non plus, ça. Ce n'est pas toutes les femmes qui l'ont. طيب في الحديث 37 بعد المئة وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة لم يأكلها قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم وفي الحديث 38 بعد المئة وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض متفق عليه. Donc dans le premier hadith, qui est le 137e hadith, selon Anas, il dit que les juifs, lorsque leur femme était atteinte de menstrue, ils ne mangeaient pas avec elle. Ils les mettaient à part. Donc douleur, exagération. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, faites tout avec elle, sauf les rapports, c'est-à-dire la pénétration. Enfin, c'est pas musulman. Le 138e hadith, selon Aïcha, qu'elle a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'ordonnait, donc je mettais un pagne, un isar autour de moi, un vêtement qui va du nombril jusqu'en dessous des genoux, et puis se frotter à moi alors que j'étais en menstrue, en période de menstrue. J'étais haïd. Le hadith est muttafaq alayh. Donc là maintenant c'est lié au rapport à avoir avec une femme qui a ses menstrues. Al-masail wa al-ahkamu al-mustafalatu min al-hadithayn. Mas'alatun, jima al-ha'id wa mubasharatuha. Le fait d'avoir des rapports avec la femme ha'id ou le fait d'avoir des contacts avec elle, des rapports. Quand on dit rapport, c'est hormis la pénétration. Donc après, il dit qu'une sorte, il est rapporté par le Nawawi qui dit que les rapports avec la femme qui a ses menstrues sont de trois catégories. La première, qu'il ait des rapports avec elle, avec pénétration. Et cela, c'est ijma', c'est haram. Unanime. Deuxième catégorie, qu'il ait des rapports avec elle, des contacts, des rapports qui se frottent à elle, dans ce qui est au-dessus du nombril et en dessous des genoux. D'accord ? Qu'il la touche, ce genre de choses. Qu'il se frotte à elle, ce genre de choses. Et cela également, c'est permis avec ittifaq. Il fut rapporté que un se pose à cet ittifaq, là que sa parole est vraiment Munkara wa Shaz. C'est Ubaïda et Sul Salmani. Warilo, il n'y a pas que lui apparemment. Et d'ici sa parole vraiment lui attribuée, alors elle est rejetée. Parce qu'il n'a pas vérifié qu'il ait vraiment dit ça, mais c'est une chose qui était rapportée de lui, soi-disant. Taïeb. Donc, et la troisième catégorie, troisième cas, c'est qu'il ait des contacts avec elle entre le nombril, justement, et le genou. Hormis l'anus, c'est-à-dire sans sodomie, également. Et ni pénétration. Donc il dit, là-dessus, il y a trois paroles. Les ashabis, c'est la shafi'iyya. Parce que Nawawi était shafi'iyya, comme on a dit. Il dit, la plupart d'entre eux, et la parole la plus connue, c'est celui de haram. Parce qu'entre le nombril et le genou, c'est haram d'avoir un rapport à ce moment-là, de frotter, d'avoir une mubashara. Deuxième call, que cela est makro, détestable. Et il dit que cette parole-là est plus forte que l'autre par rapport au dalil. Et c'est la parole que lui choisit. Nawawi. Et troisième call, que cela est permis pour qui? Pour celui qui sait se maintenir, se contenir, qui a de la piété. D'accord? Lui, il peut le faire. Et il dit que c'est aussi une bonne parole, celle-ci. Apparemment, il rapporte cette parole-là de Abu al-Abbas al-Basri min ashabina, qui est un shafi'i. Je ne le connais pas. Parmi les savants qui ont été au fait que c'est interdit dans l'absolu, ce qui est entre le nombril et le genou, il dit qu'il y a Abu Hanifa, Malik, et que c'est la parole de la plupart des savants, il dit. Et après, c'est à d'autres savants qui sont partis la permission, ainsi de suite. Et ceux qui ont été la permission, ils ont pris quoi comme verset? La parole du prophète, il a dit, Isna'ukul lashayin illa nikah. Faites toute chose, hormis la pénétration. Et que le fait que le prophète soit contenté de se frotter à elle, entre, au-dessus du nombril et en dessous des genoux, Cela c'est interprété comme étant mustahab. Une chose yani recommandée. Après, il dit Mas'alatun mata yahillu li rajuli itiyan imra'ati al-ha'id idhan qata'a damuha. Quand est-ce qu'il est permis à l'homme d'avoir des rapports avec sa femme lorsque le sang des menstrues s'est arrêté? Il se parle d'Ibn Qudama qu'il dit que la pénétration de la femme qui est ses menstrues, qui s'est purifiée, c'est-à-dire qu'on dit purifiée, c'est-à-dire qu'elle n'a plus ses menstrues en fait, c'est ça que je veux dire, avant le roussel est interdit. Même si le sang a cessé, avant le roussel, c'est interdit. Il dit que ça peut être la parole de la plupart des savants. Certains ont même prétendu un ijma, mais apparemment, cet ijma n'est pas existant. C'est un khilaf parmi ceux qui voient qu'il est permis d'avoir des rapports avec elle avant la purification, avant le lavage, on va dire, le rousse, et Ibn Hazm. Il s'est fait le tayammum pour qu'elle lave l'endroit où, bien sûr, elle a eu ses menstrues. Elle lave le vagin, elle lave le sang, et qu'elle n'a pas encore fait son rousse, il lui a permis d'avoir des rapports. Et après, il dit que quelqu'un me réagir. Parce que l'explication pour réfuter ce qu'il a dit, c'est toucher le sous le fiacre, tu vois. Et en français, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire. Quoi qu'il en soit, le kalam, il est wadih. Fala takrabuhunna hatta yathurn. Et ne les approchez pas tant qu'elles ne sont pas purifiées. Et lui, Ibn Hazm, il dit yathur, c'est-à-dire pour elle, c'est que les hadiths sont arrêtés. Alors les mains, ils ont dit non. La leçon veut dans le verset, c'est qu'elle soit purifiée, qu'elle soit lavée. Car là, yadhor, le mot yadhor, il rentre dans deux choses. Soit, c'est un love mouchtarik, c'est-à-dire c'est un terme qui englobe plusieurs sens. Un love mouchtarik, un terme employant plusieurs sens, qui peut être pris pour différents sens. D'accord? Comme le fait que la purification soit le fait qu'elle n'ait plus de sang, et d'autres disent non, c'est le fait qu'elle soit lavée. Donc il dit quoi? Le love mouchtarik, hein, il est de deux catégories. Soit il rentre dans le umum, les généralités, ou dans le moujmel, les choses vagues. D'accord? Il dit que la parole la plus sûre chez les gens du usul, c'est qu'il rentre dans le moujmel, les termes vagues. Il dit que les termes vagues, le moujmel, on ne peut pas l'appliquer tant qu'on n'a pas un moukayed. Ou plutôt un moubi. Moukayed, c'est avec le moutlak. Vous voyez? Il faut un moubayyin, une chose qui l'éclaircisse. Quand une chose elle est moujmel, comme ça tu peux pas l'appliquer. Tant que tu sais pas. Par exemple, Aqimus Salah. Taïeb, accomplissez la salat. On te dit ça comme ça à quelqu'un. Accomplissez la salat. Pourquoi c'est moujmel? Il dit, je connais pas la salat. Il peut pas la faire, donc on peut expliquer comment faire la salat. D'accord? Donc il dit, donc le terme yadhor, hein, c'est purifié là, c'est un terme qui est moujmel. Et c'est quoi qui sont béyin? C'est la parole du Prophète sallam. Umkuthi qadr ma kanat tahbasuki haydatuki thumma ightasili wa salli. Ça c'est le love, c'est le hadith qui est venu éclaircir c'est quoi la purification. C'est-à-dire quand il a dit à Habiba, il a dit abstiens-toi le temps où tes règles te retenaient et puis quand c'est fini, lave-toi et fais la salat. Lave-toi et fais la salat. Donc ce hadith est venu quoi Moubayyin de l'ijmel qui est dans le verset Atayat Hurna. Ça se purifie, c'est-à-dire la purification c'est de se laver. Donc il a répondu à Ibn Hazm, d'accord, que c'est, si on suit les règles, non, c'est qu'elle se lave. Et non pas qu'elle soit juste purifiée du sang et qu'elle soit terminée. Ah, le refoulifique en français c'est un combat. Vous voyez, à la base c'est pas une science qui est. C'est une science d'arabophone. Mais bon, alhamdoulilah, on essaie de. Donc là, c'est l'avis choisi par l'ensemble des savants. C'est la parole choisie par l'Ansaymin et Cheikh Moukbil et Cheikh Al-Islam Taymiyyah. Après, il finit en disant Ma hukm itien el mustahab. Le fait d'avoir des rapports avec la femme qui a des métrorragies. Donc après avoir cité certains savants qui disent que c'est interdit, car ils voient que c'est le sang, c'est une. Le sang, il est. C'est une chose qui nuit comme celui de Haïd. Il cite un certain savant. Et il dit qu'en fait, c'est une minorité, que la plupart ils ont contredit en disant que L'interdiction est venue pour ceux qui ont des haïd, ceux qui ont des menstrues, pas pour les mustahadha. Donc il n'y a pas de preuve. D'accord ? Qala ta'ala, yas'alunaka 'anil mahid, kul huwa adha, fa'tazilu an-nisaa'a fil mahid. Ils ont interrogé à propos des menstrues, dites c'est une nuisance. Donc éloignez-vous des femmes parce qu'elles sont dans la menstrue. Donc le avel est venu pour quoi là ? Pour les menstrues, pas pour les stihad. Donc il dit là-bas c'est la permission, tant qu'on n'a pas une preuve qu'il interdit. Donc ça c'est la parole choisie par Cheikh Abdelhazan. Non. Il y a un peu de Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.